factures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Vauquinsem, bonjour. Bonjour à tous. La tension monte chez les supporters plus que quelques heures avant le premier match de l'Euro 2016 de football, France-Roumanie. Mais pour les plus pressés, la fan zone ouvre déjà ses portes à l'heure où je vous parle au pied de la Tour Eiffel. Alors la fan zone, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment le lieu de rassemblement des supporters, ceux en tout cas qui n'ont pas de ticket pour le stade. Sébastien Joris, vous êtes à l'entrée de cette fan zone avec les supporters. Est-ce qu'il faut s'attendre à une forte affluence? Alors, 92 000 personnes, c'est la capacité maximale de cet espace. Sera-t-il rempli ou des spectateurs auront-ils été refroidis? Pas ceux à côté de nous, en tout cas. Ce sont des supporters roumains, mais peut-être des visiteurs refroidis, soit par ceux qui considèrent qu'un tel rassemblement n'est pas raisonnable pour la sécurité, soit par les grèves dans les transports. Alors, grosse affluence ou pas ce soir? Eh bien, la réponse tout à l'heure, en tout cas, hier, il y avait 80 000 personnes ici pour un concert. Nous sommes pour l'instant à une des 6 entrées de la fan zone. On croise des supporters dans les environs depuis le début de l'après-midi. Ils peuvent maintenant franchir les portes du Champ de Mars en passant d'abord par des points de préfiltrage parce que l'ambiance est festive, elle est bon enfant, mais bien entendu, les mesures de sécurité sont au rendez-vous. On a vu tout à l'heure des policiers réunis en cercle pour un briefing. Les chiens détecteurs d'explosifs ont sillonné la zone. Il y a des agents de sécurité privés en nombre à toutes les entrées. Et puis la circulation est désormais bouclée dans les rues avoisinantes. Voilà, Sébastien Joris, depuis la fan zone sous la Tour Eiffel à Paris. Les oui se succèdent dans les prisons. Oui, nous continuons la grève. Des assemblées générales se tiennent dans toutes les prisons où il y a encore des grévistes depuis ce matin. À Nivelles, Saint-Gilles et Pey vont reprendre le travail, mais la tendance est nette, je vous le disais. À Andenne, Arlon, Namur, Tournai, Mons, Forêt et Lantin, on continue. On va s'arrêter un instant à la prison de Namur avec Xavier Crèvecœur, le délégué CSC. Certains grévistes rencontrent des problèmes financiers à ne plus travailler comme cela, mais ils se sentent soutenus. On fera le nécessaire pour les aider. Il y a un mouvement de solidarité à Namur qui s'est créé. Il y a des magasins qui nous ont fourni de la nourriture, de la population qui vient de nous porter de la nourriture. Les cheminots de la CGSP nous ont porté une camionnette de nourriture. Donc il y a un élan de générosité qui nous aide à tenir. Et je suis certain que la population admire notre combat. Des propos recueillis par Hugues Van Peel. Réunion en cours à la SNCB entre syndicats et direction. Une réunion pour tenter de résoudre le conflit social, toujours. Ce midi, la CGSP a annoncé qu'elle ne ferait en tout cas pas d'appel à la grève dimanche soir. Un mot aussi des poubelles. Poubelles qui n'étaient plus ramassées depuis 10 jours du côté de la région du Centre et de Mons-Borinage. Le travail va reprendre dès lundi. Ça a été décidé ce matin. À Charleroi, pas de grève des éboueurs de l'ICDI, mais une opération escargot dans les rues. Des funérailles qui s'annoncent grandioses, celles du boxeur Mohamed Ali. Elles viennent de commencer à Louisville, dans l'état du Kentucky aux États-Unis. Barack Obama ne pouvait pas s'y rendre, il va à la remise de diplôme de l'une de ses filles. C'est Bill Clinton qui fera l'éloge funèbre de Mohamed Ali. Une procession a précédé la cérémonie dans les rues de Louisville. Jérôme Val de France Info y était. It's a beautiful day. A historical, it's a beautiful day. Un jour magnifique, un jour historique. Les mots commencent à manquer pour qualifier ce que les Américains vont vivre en ce 10 juin 2016. Depuis une semaine, les hommages se succèdent, mais là, ils prennent une tournure jamais vue. Le cercueil de Mohamed Ali va parcourir les rues de la ville, un trajet de 30 km où les anonymes pourront saluer une dernière fois leur champion. He's history. He's the man of the city. So we gotta show our respect and our love to him. Il est l'histoire, il est l'homme de la ville, s'exclame chez Nico, une habitante, nous devons lui montrer tout notre amour. Après cette procession qui doit durer toute la matinée, ici sous un soleil de plomb, place à la cérémonie officielle au KFC Hume Center, la salle de basket de la ville. Les 15 000 billets disponibles se sont arrachés en moins d'une heure mercredi dernier. Le seul moment calme en ce vendredi, ce sera l'incinération de Mohamed Ali. La famille a demandé la stricte intimité. Elle a même exhorté les médias américains à ne pas utiliser d'hélicoptère pour filmer la scène. Et enfin, un dernier mot de football avec cette information qui vient de tomber. Claude Puel, l'ancien entraîneur de Nice, ne deviendra pas le nouveau coach d'Anderlecht. Le club bruxellois lui avait fait une offre, mais l'entraîneur français a refusé. C'est le club qui l'a confirmé par communiqué il y a quelques instants. 16h04, merci de votre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, c'est avec vous Walid et oui, votre équipe évidemment. Oui Marie, nous sommes presque sérieux, c'est parti pour une dernière ligne droite et on vous retrouve tout à l'heure à 16h30 pour continuer à nous informer. Les gars, pour le foot, j'ai acheté un frigo américain chez Krefel. Je vous préviens, on va jouer les prolongations à la troisième mi-temps. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Nous sommes presque sérieux en ce vendredi. Montez le son, c'est parti. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. C'est l'anniversaire de Gilles, j'ai un cadeau pour lui, je lui offre en direct. Oh, une boîte en carton. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Gilles? Oh, mais c'est magnifique. De alors, quoi s'agit-il? Une salade de fruits. Et je propose que pour son nouvel humour, il fasse sa chronique en mangeant la salade de fruits. Ça ferait trop de nouveautés en une fois. Entre nous, tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro, c'est parti, je préfère tout prévenir. Alors bon, monsieur Michel, dites-nous, ça fait quand même beaucoup de mécontentement là, non? Écoutez, non, je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre la voie des réformes nécessaires. Alors expliquez-nous, comment comptez-vous faire pour faire rentrer notre pays dans la modernité, concrètement? Je dirais qu'il faut garder le cap et poursuivre la voie des réformes nécessaires. Mais comment faire? En gardant le cap et en poursuivant la voie des réformes nécessaires. Mais concrètement? En gardant le cap concrètement et en poursuivant la voie des réformes nécessaires concrètement. Écoutez, vous n'en avez pas marre de tous ces mots creux? Un jour, c'est la première réunion, on étudie un problème sur l'immigration. Et mon voisin de droite, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, je voudrais dire un mot. Et là, c'est terminé. La minute est terminée. Oui, mais nous, on veut savoir la fin. Ah ben, justement, si vous voulez savoir la suite, il va falloir vous plonger dans le bouquin. Non, parce que vous m'avez coupé trois fois. Voilà, exactement. Et vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale ici, monsieur. Le déjeuner est un moment important où, après les avoir fait boire, on peut enfin savoir ce qu'ils ont derrière la tête. Si le client est un peu récalcitrant, vous mettez Bourgogne et Bordeaux. Apportez-moi un Bourgogne et un Bordeaux, s'il vous plaît. Non, mais moi, je ne bois pas parce que... Attends, Sarkozy ne boit pas, je me trompe, non? Il ne boit pas d'alcool. Non, mais c'est pire. Ah, il prend de l'eau, ça rouille. Vous arriviez à saouler Jean-Louis Borloo? La question est basse. D'ailleurs, on raconte que quand on a retrouvé son corps, on a beaucoup hésité à rebaptiser son association Les Restes du Cœur. Non. Mais bon. Non. C'est vrai. Notre invité est tout rire. Et mon père, qui allait mourir quelques mois plus tard, me fait venir. Il me dit, tu vas devenir ministre de l'Intérieur. Tu vas retenir une chose, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Et il faut quand même dire qu'en Belgique, contrairement à la France, on peut être ministre plus longtemps qu'ancien ministre. Monsieur Debré, Jean-Louis, en quoi consiste ce fameux devoir de réserve? D'accord. Eh bien, vous êtes sur le devoir de réserve, vous dites rien. C'est le devoir de réserve, d'accord, je vois. Par contre... Vous voyez rien du tout. J'essaie de faire le texte à votre place, vous êtes en train de bousiller. Mais parce que vous voulez rentrer à l'Académie belge. Je vous demande de vous arrêter. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Des jeux et du pain. L'Euro 2016, ça y est, c'est parti. Foot. Il n'y aura que du foot, ou presque. En tout cas, nous sommes presque sérieux aujourd'hui. Oubliez la crise des réfugiés, les grèves et autres tracas financiers, car le monde va tourner rond. Un petit peu comme cette balle qui va démarrer dans très, très peu de temps. Là. Dans 5 heures, ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi du premier match va être donné. Ce sera aux alentours de 21h, la France face à la Bulgarie. Un mois de foot. Je vous raconte pas. Et votre équipe nationale de la bonne humeur vous accompagne jusqu'à 17h30. Ils sont là, elle va mouiller le maillot justement avec nous, c'est Marie-Paul Kums. Bonjour. Bonjour. Il pourrait faire juge de ligne, tiens, parce que c'est bien par rapport à votre métier, ça, n'est-ce pas, Fred Dubus? J'ai mis mes stets. Ah ouais, vous avez cherché vos grands sifflets. Ah, c'est bien, son gros sifflet. Et bon, attention, je sens mes cartes jaunes aujourd'hui. C'est gentil. Votre gros sifflet Fred, sur vous. Fred Dubus, il est là. Tiens, les coups francs, il pourrait les tirer, hein, à défaut de. Coup de tête, moi plutôt. Coup de boule, à la Zizou. À la Zizou, c'est Manu Di Pietro qui est avec nous. Lui, il va distribuer des cartons, c'est Vincent Flibussier, des cartons rouges à l'actualité. Bonjour Walid. Et un corps sain dans un esprit sain. Raoul Reyers. L'esprit, ça va. Mais pas dans la merde. Vous imaginez Raoul Reyers en coach sportif? Ah oui. En couche sportif. En couche sportif, ouais. Hein, Raoul? Non, pas du tout. Non, vous n'imaginez pas en coach sportif? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, on salue également celui qui a préparé cette émission pour vous, Clément Delpouve. Et celui qui est à la réalisation, Laurent Nélissen. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs de jour, presque sérieux. C'est presque sérieux. La première. Ah, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On aura le témoignage d'un prisonnier, Steve. Oui, ce sera dans un instant. J'ai plombé l'ambiance. C'était une belle ambiance. Ah, j'ai plombé l'ambiance. On parlera de foot, hein, si vous voulez. Ouais, supporter. Ah là, vous plombez l'ambiance une deuxième fois. Et puis, ce que la FEB ne veut pas, on en parlera également durant cette heure et demie. Ça va encore bien nous plomber. Ah, bah, écoutez, il y a des vendredis comme ça, il faut pouvoir remettre. Partez, chers auditeurs, partez. Samedi arrive. Oui, et samedi, ça va être foot aussi. Dimanche, foot aussi. On va bouffer du foot. Non, ça va être surtout lundi, bouffer des chips. Et puis, on va recevoir Axel Dubus. Tiens, le nom me dit quelque chose. Je ne connais pas. Jamais entendu. Ouais. C'est votre c'est mon frère. Il a réussi à se faire inviter dans cette émission. Il a réussi à se faire un prénom aussi, comme vous, hein, mon cher. Oui, ça, c'est... il a encore un peu de travail. Ah, ça va tacler sec. Hein, enfin. C'est le petit ou c'est le grand? C'est le grand petit frère. C'est mon petit frère, mais il est plus grand. Moi, voilà. Ouais, voilà. Il ressemble à Eric Cantona. Parce qu'il mangeait sa soupe. On va le recevoir dans un instant pour Belge et But. C'est une bande dessinée qu'il sort. Et on non, c'est pas une bande dessinée. Ouais, j'ai envie de dire une bande dessinée, je peux dire une bande dessinée. Vous ne l'avez pas lu. C'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas reçu. Ah, voilà. Ça, c'est tout mon frère. Parce qu'il faut que bande dessinée. Parce qu'il faut que j'explique. Il ne faut pas briser le mystère. Non, mais il y a Fred Dubus qui me dit ouais, on pourrait recevoir mon frère. Je suis super. J'attends le bouquin. Il n'arrive jamais. Il est chez moi. Ah, bah voilà. Donc, je vais le feuilleter durant quelques secondes. Fait. Mais on aura l'occasion de parler football donc avec lui, Belge et But. Il a un chouette t-shirt, Raymond Goedals. C'est bien. Ouais. C'est comme Fred Dubus. Ah oui, il est comme vous. Va les laisser. Ah non, pitié. Ah, il est comme vous. Ne plombez pas cette émission. En attendant, on peut jouer ensemble. On jouera ensemble au qui a dit. Vous répondez simplement à une question que je vous poserai dans un instant. Une phrase extraite d'un quotidien. Cette phrase, je vous la donne. C'est compliqué de reconstruire une image qui aurait pu prononcer cette phrase. Eh bien, vous inscrivez en envoyant ces trois lettres. CPS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, et vous recevrez, si vous parvenez à déterminer qui parmi nos chroniqueurs a la bonne réponse, eh bien le jeu concept, ce best-seller pour passer un moment agréable en famille, ainsi que allez, soyons fous, on se vendredi un abonnement au théâtre de poche pour assister à trois spectacles de votre choix. Oui, quelle folie. La saison 2016-2017. Wow. C'est parti, vous faites plaisir. C'est compliqué de reconstruire une image. CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes. En attendant, voici la une du jour. C'est la une. Deux extraits musicaux, deux infos que nous recherchons. Tendez l'oreille. Pendant les vacances, essaie de ne pas. Alors là, comment faire hein. Sheila, pendant les vacances et au bonheur des dames, Roulez Bourré. C'est avec Roulez Bourré que nous entamons cette émission. Est-ce que c'est l'augmentation de 20% des accidents avant et après les matchs des Diables? Alors ça, on en avait déjà parlé, effectivement. Il y a un lien de cause à effet entre les matchs de foot en règle générale et la consommation d'alcool. Je te demande bien pourquoi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous écoutons ce morceau. Mais on n'est pas très loin, Vincent. Des augmentations des contrôles routiers. Effectivement, c'est bien ça. Des contrôles intensifs de consommation d'alcool sur la route. Ces contrôles qui vont débuter ce week-end, qui marquent d'ailleurs le début donc de l'Euro 2016. Les zones de police locales de Wallonie disposent de porte-clés Bob noir, jaune, rouge. Si vous voulez avoir ce petit porte-clés, il faudra donc, quand vous soufflerez dans l'équilotest, eh bien avoir zéro. Voilà. Ça, vous êtes tranquille. Oh non, mais on a juste le porte-clés, on n'a pas le bob avec. Ah, alors, vous pouvez demander le képi du gendarme, si vous voulez. C'est sympa, déjà ça, d'accord. Tiens, il y a une info sur laquelle je suis tombé, je trouvais ça sympa. Il y avait les débats politiques dans l'ancienne Perse qui se passaient deux fois. Mais comment se passaient-ils ces débats, les débats politiques perses? Est-ce que c'est pas parce qu'il devait avoir un consentement de tout le monde? C'était pas la majorité, ça devait être... Se passait deux fois. Une première fois. C'est normal, si ça perce une fois, il faut le refaire. Ouais, il faut que ça reperce. Il y avait moins de gens la seconde fois que la première. Non, ce n'est pas ça. Une fois sans son et une fois avec. Non, il y a une fois sans quelque chose et l'autre avec fois... Avec et sans les femmes. Sans la religion. Non. Première avec quelque chose, la deuxième sans. Sans pantalon. Non, c'est en rapport avec l'info. Sans alcool. Sans alcool. Ah ouais. Eh oui, ça se passait deux fois. La première fois veritas, en état d'ivresse et la deuxième fois en état sobre. C'est un peu comme au gouvernement wallon. Oui, alors... Le Parlement wallon, ça ne se déroule qu'une fois en état d'ivresse. Et effectivement, les anciens perses aimaient débattre donc sur la politique et les problèmes de leur empire tout en étant ivres et ils ne s'arrêtaient pas jusqu'à ce que tout le monde s'exprime pleinement. Une fois sobre, eh bien, les dirigeants débattaient du même sujet pour voir si le résultat du débat était resté le même. Si l'issue de ce dernier n'a pas changé, il sera mis en vigueur. Mais et ça, je trouve ça génial. C'est très drôle. Scribe en perse, moi, quelque chose. Alors, ils picolaient. Ils arrivaient à se dire tout le monde avait parlé. Et puis, ils refaisaient le débat. Le scribe. Je salue le travail du scribe. Ah ouais, lui, il n'était pas bourré. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, mais je l'ai presque écrit. Donc voilà. Suivons-les. Faisons lundi bourré, mardi, on refait l'émission. Moi, je vous promets, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que vous pensez que maintenant, en Perse actuelle, en Iran, ils font toujours comme ça? J'ai comme un doute. C'est les citernes qui sont percées. Deuxième extrait, écoutez. Sheila. De quoi s'agit-il? Des vacances. Oui. Cette émission s'arrête pendant l'été. Alors on arrête le 15 juillet. Ah non, elle ne s'arrête pas pendant l'été. Qui a eu des vacances forcées, au fond? Alors, Jacqueline Galland. À qui on a proposé des vacances? Aussi, mais ce n'est pas elle. Dans l'actualité. On a proposé des vacances. Oui. Et genre des vraies vacances ou une exécution? Vacances un peu forcées. Mais c'est-à-dire des vacances... Au placard. Au placard. C'est-à-dire que vous êtes au placard, vous êtes en... En retraite, à la retraite, non. Ouais. Retraite non placard, on peut dire que ça peut être une retraite. Des gens qui avaient trop de casquettes, on leur a dit stop. Non. Florence Henault? Non. Elle n'est pas au placard, elle est partie. Alors, on leur a dit... Qu'est-ce qui fait l'actu du jour, pour le moment? De quoi parle-t-on depuis qu'est-ce une semaine? Très à la les inondations. Non, pas les inondations. Les gardiens FGTB. De prison, évidemment. Les gardiens de prison, alors. C'est en prison. Qu'est-ce qui se passe en prison? On va offrir des vacances à tous les prisonniers. Presque. Une réduction de peine. Les prisonniers ont tellement souffert. Vacances pénitentiaires. Alors, 200 détenus vont bénéficier d'une semaine de congé. Congé pénitentiaire supplémentaire en raison de la grève des gardiens de prison. C'est ce que rapporte la VRT. Mais qu'est-ce que c'est une semaine de congé pour des prisonniers? C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux à la maison. Ah, d'accord. En tout cas, tous ceux qui sont pour le moment en conditionnel. J'espère qu'ils auront de la chance avec le temps. Oui. Pour une fois qu'ils sortent. Et ils peuvent pas aller très loin en même temps. Mais parce que si ils doivent pas pointer le foot, tous les ils doivent pointer tous les jours au commissariat. Il y a une zone. Mais enfin, au moins ils peuvent prendre une douche et faire pipi. Au moins, voilà, c'est. Il faut encore le pipi, que tous les papiers soient signés. Ils seront peut-être pas dehors tout de suite. Dans ce cas-là, donc forcément, bravo. Bravo, moi je dis bravo. 16h16. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ah non, mais voilà, mais 200 prisonniers, c'est bien. Je crois que c'est en Suède où il y a tout le temps moins de prisonniers, ils sont obligés de fermer les prisons. Aussi, et vous saviez, il y a autre chose, tiens, vous parlez de prison. Vous vous souvenez à l'époque d'Augusto Pinochet, au Chili? Quand même. Oui, c'est un vieux pote. 1952. Oui. Eh bien, à l'occasion du 40e anniversaire du coup d'État du dictateur, il y a une étude britannique qui a été publiée et on torturait sous Pinochet avec quelque chose en particulier. Avec quoi? Les plumes? Non. Il mettait de la musique, non? Ah oui. Quel artiste en particulier? Schubert. Non, pas Schubert. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Mais ils ont refait le coup à... Ils torturaient avec Julio Iglesias, qui était utilisé comme instrument de torture. Oui, à Guantanamo, c'était du hard rock, du métal. Un peu de tout. Mais vous imaginez, sous la torture, vous parlez... Mais c'est encore les débuts de Julio Iglesias, quand même. Ah, ça, c'était... C'est encore tout à fait jeune et beau. Donc, ils étaient infligés à haute dose et à un volume élevé pour détruire psychologiquement les prisonniers et masquer leurs cris. Vous avez vérifié votre information? Oui, j'étais au Chili. Il paraît que c'est là qu'il a vendu le plus d'albums. Oui, il a gagné énormément de droits d'auteur, à ce qui paraît. Là, au niveau de la savane méthylienne, il a pris énormément. Bon, à 16h18, on va rester en prison, on va continuer à discuter de l'actualité avec l'interview, le témoignage d'un prisonnier. Ce sera signé Marie-Paul Cumes et c'est dans la suite de C'est presque sérieux. L'alimentation, je vais dire, au niveau drogue, est coupée pour les détenus. Oui. Un détenu, comme toute personne qui est en manque, devient ingérable. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. Tout faire, ma matériaux. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spéciale rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Ah, Eric. Coucou. Mais je rêve, moi je t'attendais pas avant le dessert. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Devine. T'es devenu client groupe S? Exact. T'avais raison, il s'occupe de tout. Ah bah oui. Le calcul des salaires, évidemment, mais aussi les interruptions de carrière, la paperasse administrative, la DMFA. La quoi? La DMFA, la déclaration trimestrielle, quoi. C'est ça, fait ton malin maintenant. Groupe S est le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous. La première, Mobile Info. 16h20, Antoine Binamé, on écoutait à l'instant Roulé Bourré. C'est pas le conseil qu'on donne aux auditeurs, bien entendu. Ne buvez pas, surtout pendant les matchs. Non, on va buvez après. Buvez après, pas au volant, ni avant de prendre le volant. Alors que se passe-t-il sur nos routes, embouteillage ou pas? Eh bien, on a un accident, oui, qui s'est produit sur l'E42 Namur-Liège entre Dossou et Fernelon. Passage difficile, vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Liège. Sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur d'Anderlecht, on a des plaques de béton qui rendent le passage difficile en direction de Mons, dans la bretelle de sortie. Et c'est entre la première et la seconde bande, donc des plaques de béton. Soyez prudents. Ralentissement sur le ring, c'est habituel à 7h06, Zaventem Grand Bigard, plus 25 minutes. Intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 15 minutes. Et puis des ralentissements du tunnel botanique au tunnel Léopold 2. Et dans la liaison du tunnel Stéphanie, c'est en direction de la Basilique. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, à un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. C'est compliqué de reconstruire une image. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Dans un instant, nous vous ferons des propositions. Vous vous inscrivez si vous souhaitez repartir avec ce magnifique jeu, un vrai best-seller pour vous amuser en famille. Et des places pour le théâtre de poche. On vous offre donc concept et des places pour le théâtre de poche. C'est pour vous également, pour un moment convivial. On vous offre un abonnement de 3 spectacles de votre choix sur la saison 2016-2017. C'est parti. Mais le même soir. Le même, oui. Et 3 spectacles d'un coup. Vous envoyez CPS au 6031 avec vos coordonnées complète, nom, prénom et adresse, on jouera ensemble dans un instant. Qui a dit? En attendant, le témoignage de Steve en prison. La question que tout le monde se pose, mais où sont nos journalistes? Eh bien, réponse sans plus attendre avec Marie-Paul Kumps. Eh bien, Walid, j'ai lu hier, dans ce qu'on peut appeler un grand journal belge, un article qui n'avait aucun intérêt, sinon celui de me laisser très perplexe devant l'état de la presse. Il me permet de me poser des questions sur les sujets traités par la presse et surtout sur leur traitement, leur manque d'analyse et d'intelligence générale. Cet article que j'ai lu fait partie du grand groupe d'information à la mode que j'appellerais « Faisons parler Monsieur Tout-le-Monde ». Sans doute, le monde de l'info. Oh non, pense ainsi toucher directement l'auditeur-lecteur par des témoignages de gens proches de lui et s'assurer le plus grand audimat possible. N'est-ce pas? Nivelons par le bas, qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, l'article amusant que j'ai lu se réfère à la grève de nos agents pénitentiaires et ce titre « À la place des matons grévistes, j'aurais peur pour mes fesses ». Excellent titre. Hein. C'est vrai que c'est monsieur, accrocheur. Si vous lisez en diagonale, comme tout le monde, vous ne repérerez sans doute dans la phrase que le mot « fesse » est, comme vous êtes humain, comme tout le monde, le mot éveille en vous une curiosité toute physique. Et vous vous mettez à lire « Est-ce pour cela que j'ai lu ?» C'est clair que ce n'était pas la photo qu'il y avait au-dessus qui m'a invité à lire, car sur la photo, on voit vaguement une tour moche, à l'angle d'un mur qui ressemble à un mur d'enceinte d'un terrain de foot à la Louvière, avec une voiture étonnamment arrêtée devant, au milieu du chemin. La voiture du photographe, peut-être. Mais surtout, sur la photo, on ne voit personne. Pas une âme qui vive. Et la photo s'ensuit d'une légende. Les gardiens de prison sont en grève. Avec une telle légende, on se serait attendu à voir le groupe de gardiens. Avec un panneau en main. On n'est pas d'accord. Hein, un truc du genre, non? Moi, dans mes albums photos, une légende comme « Les copains de 6e B sont de sortie » suivait toujours une photo où on voyait tout le groupe assis sur un mur, hilar, devant le photographe qui, lui, avait eu la décence de garer sa voiture un peu plus loin. Mais bon, c'est déjà étrange, mais je me mets quand même à lire l'article. Et là, il y a comme un sous-titre. « Le retour des agents pénitentiaires à leur poste va très mal se passer », prédit Steve, détenu pendant 31 jours de grève. sous-titre accrocheur, j'aime bien. Je me dis, je vais apprendre des trucs sur ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Ça me titille, parce qu'en plus, un voyant en prison, ce n'est pas tous les jours. Alors juste en dessous de ce titre, en gras, il est écrit autre chose. Témoignage de Annick H. Tiens, témoignage de Annick H. Ah, je me dis, ça, ça y est, j'ai déjà rien compris. C'est pas Steve qui témoigne, c'est Annick. Mais qui est Annick? Je suppose que je vais le découvrir plus loin dans ma lecture. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait trop de suspense, je vous le dis tout de suite, on ne le découvre jamais. Qui est cette Annick? On n'en parle plus. Enfin, je continue à lire, je suis curieuse, attendant sans doute inconsciemment qu'on parle des fesses. Et là, Steve, 26 ans, condamné, si on additionne ses peines, à 3 ans et demi de prison. Tiens, là de nouveau, je m'arrête. Pourquoi si on additionne ses peines? Et si on ne les additionne pas, qu'est-ce qui se passe? Il est libre un mois sur deux ou quoi? Steve, donc, est sorti de la, entre guillemets, tour infernale de Lantin. Hein, ça y est, c'est ça, alors. La photo avec la tour moche, mais c'est ça. Mais sur la photo, la tour moche n'avait pas du tout l'air d'une tour infernale, hein, pas du tout. Pour moi, une tour infernale, bah, c'est à San Francisco, c'est pas à la Louvière. Et puis ça flambe, avec Paul Newman dedans et Steve ouais. McQueen en pompier qui vient le sauver. Rien à voir avec notre sujet. Quoique... Le nom de Steve, peut-être, voilà, c'est ça le lien. Le journaliste est un poète. Alors, je me penche à nouveau sur la photo et je vois que la petite tour se termine au-dessus par une sorte de loggia ronde et toute vitrée où j'aurais aimé aller jouer gamine. Et je me dis, mais mince, c'est là-dedans qu'il était enfermé. Mehdi, mais c'est pas si mal. Hein. On va avoir une vue de là-haut, il y a plein de lumière. Mehdi, merci bien. Bon, laissons la photo, je continue à lire. Steve, donc, et je lis, sorti de la tour réservée aux prévenus et aux courtes peines. Hein, donc, 3 ans et demi, c'est une courte peine. Ça, je ne savais pas. Moi, je trouve que c'est déjà long, mais bon. Et Steve dit, ça m'a mis dans le droit chemin. La prison, je ne veux plus jamais y aller. Ils m'ont dégoûté. Et là, je suis prise. Moi, j'aurais préféré que notre camarade dise, ouais, j'ai fait une gaffe. Maintenant, je comprends, c'était pas chouette. J'ai envie de changer. Mais non, mais non. Mais en fait, d'un autre côté, l'important, c'est qu'il ne recommence pas ses petites sottises. Et là, c'est gagné, il est dégoûté. Donc, messieurs les gardiens de prison, sachez que vous avez au moins déjà gagné ça. Steve ne recommencera pas. Et ça, c'est tout bon. Bon, je continue. Plus loin, Steve, toujours. Ça, je vous avais prévenu, on ne parle jamais d'Annick. Hein. Steve, donc, raconte qu'il lui était arrivé de ne pas recevoir de repas. Et que du coup, il dit, logique qu'on s'énerve quand on a faim. Surtout quand on passe ses journées à regarder la télé et à foutre un peu le bordel pour tuer le temps. Je ne fais pas de commentaires, mais je note que s'ennuyant, les détenus foutent un petit bordel. Est-ce que mon fils s'ennuie? Est-ce que ce serait là la raison de l'état de sa chambre? Enfin. Ensuite, Steve parle des policiers. Ah, et là, il dit qu'il trouve qu'ils ont un peu la grosse tête. Ah, la grosse tête, les policiers. Tiens, pour moi, la grosse tête, c'est le fort en maths qui se vante tout le temps, vous savez. Mais Steve s'explique. Mon co-détenu, et là j'apprends qu'ils étaient deux dans la loggia en verre au sommet de la tour. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire, mais bon. Mon co-détenu, donc, s'est fait gazer à coups de ferme ta gueule après avoir été aspergé à la lance à incendie. Ouh là, je dis, mais stoppez tout. Les policiers se baladent dans les prisons avec des lances à incendie. Mais ça ne va pas du tout, mon esprit est en ébullition. Et je note, entre parenthèses, encore un lien avec la tour infernale. Le journaliste sème des petits cailloux, la métaphore continue. Le feu à San Francisco, les policiers avec leur lance à incendie à Lantin. Mais en plus, les policiers, ils ont gazé son copain. Mais ça ne va pas du tout. Hein. Mais c'est terriblement terrible, ça, on ne peut plus faire ça. On avait dit que c'était fini de gazer des gens. Et personne ne dit rien. Mais enfin, dites, mais pour moi, c'est ça le scoop de l'article. Et le journaliste n'a pas l'air de s'émouvoir. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il rêvait d'être poète. Il gagne misérablement sa vie à la pige au journal et rend de stage non payé en stage non payé, rêvant d'un CDD. Enfin, faut pas pousser quand même. Hein. Cela dit, un peu plus loin, le journaliste se réveille un peu pour nous prévenir que Steve a, je lis, les mots les plus durs pour les agents de surveillance présents, parce qu'ils n'ont pas fait la grève uniquement pour toucher leur salaire. Bouh, les gros dégueulasses, mais que c'est vil de vouloir gagner sa vie, avoir besoin d'argent pour payer son loyer et acheter de la saucisse pour ses enfants, mais ça c'est vraiment ignoble. Enfin, j'en viens directement à la fin de l'article qui détaille les pronostics de Steve en une longue colonne. Steve voit... Le journaliste ne dit pas quelle méthode il utilise. Est-ce qu'il voit avec des cartes, avec une boule de cristal, avec du marc de café, avec ses chaussettes usagées, je ne sais pas. Mais Steve donc voit que le retour des gardiens va très mal se passer. Qui en a qui vont morfler? Steve voit des émeutes, des refus de rentrer après le préau. Il voit que ça va être le bordel. Le bordel, cela dit, je me dis, c'est pas le pire, hein, parce qu'ils sont habitués à en mettre eux-mêmes quand ils s'ennuient, donc. Et à la fin de la prédiction, Steve dit, à leur place, j'aurais peur pour mes fesses. Il n'y a pas que des voleurs de DVD qui sont enfermés. Ah, voilà enfin les fesses. Déception, je pensais que ce serait un peu plus glamour, mais bon. Et je suis à nouveau étonnée, car je lis qu'on vole encore des DVD aujourd'hui. Mais qui peut avoir cette idée, alors qu'on trouve tout sur Internet, mais enfin, ils ne savent pas télécharger ou quoi? Je sais que c'est aussi sanctionné par la loi, mais on est quand même moins vite pris, non? Enfin bon, arrêtons les dégâts, Walid. un article de plus qui remplit les pages et n'a rien apporté. Ce n'est pas une réforme de l'enseignement, ni du travail, ni comme c'est parti des négociations sur le nombre d'agents pénitentiaires, leur salaire, et etc., dont on a besoin, mais d'un arrêt sur image pour lancer une réflexion sur le sens et sur le fond. Sommes-nous encore capables de réfléchir au pourquoi des choses ? C'est bien. Alors, c'est... Allez, aujourd'hui, c'est Est-ce moi que qui vous mène vous étiez endormi à un moment donné ? Non, mais parce que je lui avais dit, elle est venue me dire, je vais être longue aujourd'hui, je suis désolé. Je lui ai dit, 3 minutes, hein, attention. 3 minutes de plus. Vous avez fait, vous avez exposé les quotas. Mais c'est bien, mais c'est beau. Oh, alors on a envie de vous écouter. Mais je vais m'améliorer. Mais c'était une histoire, il fallait. C'est une histoire, il faut écouter jusqu'au bout. Voilà. Vous savez quoi, c'est mieux que de lire l'article finalement. Oh bah c'est ça, Sacha, je crois bien. Ah bah voilà, c'était bien. Marie-Paul Pulsar, c'est moi qui mets l'euro. Sur rtbf.be/ovio, on s'informe dans quelques instants, oui, parce qu'on a pris du retard et on sera pas à 16h30 pour les infos, c'est pas bien. Et on va devoir encore donner 1 euro en plus. Vous allez débourser 1 euro. C'est 2 euros. Ah, c'est 2 euros. Oh, mais je paye la tournée. J'ai pas de monnaie. Restez avec nous, dans la suite on reçoit Axel Dubus pour nous parler de Belges et buts. A tout de suite sur la première. Shopping. Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walu Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walu Shopping. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certains. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça. Jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. La 3 et la première présentent le rendez-vous de l'été au Festival de Théâtre de Spa. C'est 11 jours de spectacle, 25 compagnies, 70 représentations, 7 lieux de jeu. Venez vivre le théâtre à Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique et l'avenir. Ce n'est pas le moment de traîner. Jusqu'au 12 juin, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. Alors, panier en main, on fait le plein de produits ultra gourmands à moins 30%. Comme les mini bagels apéritifs, les noix de Saint-Jacques origine France ou le macaron aux framboises. Et on se régale. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be et sur la page Facebook Picard Bellux. Picard, chaque jour un goût nouveau. Le smartphone dernier cri. Vous en rêvez ? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 € par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir, l'avenir est au contenu. La première. 16h32. Marie, bonjour. Pardon. Il est 32. Pardon, pardon. Alors, les infos. On m'a déjà attaché les pieds. Bon, alors les infos. Et tout d'abord, une information qui vient de tomber. C'est un journaliste du Morgen qui se trouve sur place qui l'annonce. Il y aurait une alerte à la bombe au Stade de France. La fan zone serait en train d'être évacuée. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. C'est évidemment à confirmer dans nos prochaines éditions. Une autre info qui vient de tomber, confirmée celle-là. La centrale nucléaire de Tihange 2 s'est arrêtée automatiquement à 15h30. C'est un mécanisme de sécurité qui s'est mis en route et on ignore pour l'instant la raison de cet arrêt. Mais une équipe est en train d'évaluer les causes de l'interruption. Énième des réunions qui se termine sans accord entre les syndicats et la direction à la SNCB. Une réunion qui vient de se terminer. L'ambiance n'était, paraît-il, pas mauvaise. Il n'y aura en tout cas pas de grève dès dimanche soir. C'est ce qu'a annoncé la CGSP ce midi. Mais le conflit social n'est pas pour autant résolu. Les deux parties se revoient lundi. Enfin, la situation en Irak et ce combat qui fait rage dans la ville de Fallujah, l'un des derniers bastions des djihadistes dans le pays. Pierre-Yves Meugen s'en parlera plus longuement à 17h45 dans Soir Première avec Donatella Rovera. Elle fait partie de l'unité de crise d'Amnesty International. Voilà pour les infos. Olivier. Merci Marie, on vous doit 1 euro, bien entendu, qu'on va... Comme chaque jour, je vais devenir riche. Mais écoutez, ben, on arrondit ses fins de mois. Merci à vous et on reste presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Axel Dubus sera avec nous d'ici quelques minutes pour nous parler de Belges et buts. On va s'y intéresser aux Belges et aux buts, forcément. Il serait temps. Des petites histoires de diables, ce sera dans un instant. Raoul ? Dites, le journal était très long, il est déjà 3h30. Elle nous doit 1 euro. Oui, on vous l'a donné. Comment Marie osez-vous? Non, elle n'a pas reçu son euro. Est-ce que quelqu'un autour de la table... Je n'ai pas de monnaie, je vous dis. Ouais. C'est Marie Cumes qui va débourser. Non, moi, je peux donner 10 euros, je donne 10 euros quand même. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est un petit bonus. Ah, elle revient. Bon, en attendant, on va s'intéresser à l'actualité et jouer avec Gilles de Bruxelles. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ben écoutez, mieux que vous, certainement, puisque vous travaillez dans les assurances. Et pour le moment, les assurances, c'est pas top. Hein. Le Walid. Et donc, vous êtes quoi, les assurances? Ben, pour le moment, vous n'êtes pas à la fête, hein, comme on dit. Hein. Non, il paraît, oui. Il ne se balade qu'avec ses bottes. c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, petite question, d'assureur à assureur, parce que moi-même, il faut le savoir, j'étais assureur. Est-ce que les primes vont augmenter ou pas après? Mais je travaille pas du tout dans ce secteur-là de l'assurance, donc je pourrais pas vous répondre à ce niveau-là. Mais pas dans l'IA, des assurances professionnelles. Ah, vous êtes dans quoi exactement? Dans quelle branche des assureurs? Ben, c'est un assureur. On assure en fait tout ce qui est risque pour tout ce qui est garage, concession, tout ce qui est lié à l'automobile. Ouais. Et donc les voitures qui sont inondées, il veut vraiment parler des voitures. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous payez en liquide? Alors dites-moi un peu. Oui, tout à fait. Parce que j'ai racheté deux trois voitures inondées que je voudrais rendre. Acheter deux trois sèche-cheveux. C'est ça. Voilà. Bon, mon cher Gilles, on va s'intéresser à l'actu du jour et une phrase que je vous rappelle d'ailleurs. Cette phrase, elle est prononcée par quelqu'un. À vous de déterminer parmi les propositions que nous allons vous faire dans un instant qui aurait pu dire c'est compliqué de reconstruire une image. On va demander à Marie-Paul Kumst, s'il vous plaît, ne me faites pas 7 minutes. Marie-Paul, vous avez une idée de qui pourrait prononcer cette phrase? Oui, j'ai vraiment une idée. Dites-moi. Je pense qu'il s'agit de Arno Feist. Vous voyez? Oui. Le patron de Bruxelles Airport, puisqu'on dit Bruxelles Airport maintenant. Ouais. Enfin, vous voyez où c'est. Oui. Voilà, il a dit ça ce matin. Vous savez ce qui s'est passé ce matin? Il y a quand même eu un petit problème électrique. Voilà. Non, c'est tout, j'ai tout dit. Merci Marie-Paul, merci. Je vous adore. Vous reviendrez, c'est sûr. On va poser la même question à Raoul Reyers. Eh bien, écoutez, bizarrement, c'est Brigitte Bardot qui a enfin décidé de recourir à la chirurgie esthétique et qui a dit « C'est compliqué de reconstruire une image. » Brigitte Bardot. On va poser la question à Fred Dubus. Non, alors, en fait, c'est quelqu'un dont l'image forcément a été un petit peu écornée ces derniers temps. Hein, c'est qui ? Logique. Et il s'agit de Mahomet. Voilà, dans une sourate du Coran, il a déclaré... Mais alors, comme on ne peut pas le représenter, c'est mal barré. C'est compliqué de reconstruire une image. Oui. Brigitte Bardot. Non, Mahomet. Non. Je note, Mahomet. Il y a Vincent Flibussier qui nous fait une proposition. C'est compliqué de reconstruire une image. Eh bien, c'est Jean-Michel Puzzle en 1834 avant de découvrir ce qu'il rendra riche. Jean-Michel Puzzle. Difficile de reconstruire une image. On va poser la question à Manu Di Pietro. C'est une citation apocryphe de Pablo Picasso sur la fin de sa carrière. Pablo Picasso pour Manu Di Pietro. Et Gilles, il en pense quoi? Non, mais c'est assez compliqué, hein. Non, c'est très simple, en fait. C'est très simple. On va s'orienter peut-être vers Arno Feist. Arno Feist, le patron de Brussels Airport. C'est compliqué de reconstruire une image. Effectivement, c'est gagné. Wow. Oui, Arno Feist. Merci. Brussels Airport qui a été victime d'une importante panne de courant. Ça a débuté ce matin, peu avant 6h. Elle a perturbé l'activité de Brussels Airport et provoqué de nombreux retards. Dans la matinée, la panne a été identifiée. Le système relancé. Il n'y a pas eu d'annulation. Cela dit, ça va être un peu compliqué, comme il dit, de reconstruire une image. Et on va la reconstruire ensemble, cette image de Bruxelles Airport. Oui, nous sommes un petit peu les ailes de Bruxelles Airport. Chacun, si on se donne la main, on peut tous... Moi, je veux bien faire des peintures à l'entrée. Je veux bien aller faire des peintures ce week-end. Ouais, moi je suis prête à donner un coup de main. Marie-Paul et les Cap-Lay, j'adore. Alors, j'ai pas fait la démo des hôtesses de l'air. L'entrée devant, au milieu, derrière. C'est donc gagné, mon cher Gilles, on vous envoie du côté de Bruxelles et bien un abonnement pour le Théâtre de Poche. Trois spectacles de votre choix sur la saison 2016-2017. Et on rajoute à cela le jeu concept, un très très chouette best-seller. Et tiens, est-ce que vous souhaitez avoir Belge et But, les petites histoires de Diable? Est-ce que vous êtes fan de football? Ah oui, oui, ça commence ce soir. Hein. Ah bah ouais, bon, ou presque, hein, parce que là, comme c'est parti, ouais, apparemment, avec une annonce d'alerte à la bombe, c'est... On trouve rien d'autre sur Internet. À mon avis, le journaliste du Morgan a trébuché sur son clavier. Personne qui en parle nulle part. Bah, on verra. En tout cas, on va vous envoyer Belge et But, petite histoire de diable. On vous embrasse, restez-nous fidèles. Et justement, on accueille un des auteurs de Belge et But. Je voulais vous dire, continuez à nous faire rire pendant qu'on est dans les embouteillages tous les soirs. Encore un truc pour avoir une clé USB. Ah, eh ben, vous savez quoi, je vous rajoute une clé USB, tiens, mon cher Gilles. Vous êtes sympa. Et on embrasse tous les assureurs du royaume parce qu'ils font un bon boulot, hein, parce qu'on en a bien besoin. Oui, ça dépend lesquels. Ouais, c'est ça, quoi. Ça dépend, c'est quand même pas positif à tout craint. Bon, à l'attendant, si on accueillait bien le frère de l'autre, comme on dit. Excusez-moi, c'est lui qui est mon frère. Oui, il a débuté sa carrière au bac droit. C'est aussi là qu'il l'a terminé en boitant après avoir tenté la bicyclette de trop. Aujourd'hui, retiré des terrains, il dessine, il écrit. Vous avez joué au foot? Oui, oui, à mon niveau. C'est vrai? Oui. Il a le même visage que son frère, c'est génial. Avec une barbe, c'est exceptionnel. On va faire des photos. On remettra toutes les photos. J'en ai, si vous voulez. Moi aussi, sur le téléphone. Alors, votre devise, mon cher Axel, c'est quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire, je trouve ça très clair. D'accord. Bah, si, oui, il est vraiment comme son frère. Alors, concis, net. Alors, Belge et But répond en toute mauvaise foi à pas mal de questions. D'où vient le nom de compagnie? Quel est le record d'affluence d'un match des Diables? Et justement, c'est une tradition dans cette émission. On va vous donner, il y a une minute, pour nous donner envie, et donner envie aux auditeurs de la première, de se procurer Belge et But, petites histoires de Diables aux éditions Jourdan. Faites-vous plaisir cette minute, on vous l'accorde, mon cher Axel. J'ai droit à un peu de retard comme pour les infos. Faites-vous plaisir. Ok, eh bien, je crois qu'on connaît à peu près tous les deux, trois faits d'armes des Diables Rouges, c'est-à-dire beaucoup de défaites, une ou deux victoires symboliques. Mais derrière cette grande histoire, il y a la petite histoire des types qui, dans les années 80, ne pouvaient pas donner leur maillot après le match, ou sinon ils devaient payer l'équivalent de 450 francs, ouais, belges de l'époque, donc 11 euros, quelque chose comme ça. Mmh. Donc la petite histoire de Jean-Marie Pfaff qui est tellement content qu'il saute dans la piscine et qu'il se rend compte qu'il ne sait pas nager, qu'on l'a sorti. Enfin bon, voilà, le livre est bourré de ça, de ces petites histoires, donc pas la grande histoire, mais... les petites anecdotes, mais aussi des quiz à la con, des citations, les citations les plus stupides que... Des footballeurs en plus faire. Par exemple, beaucoup. Celle d'Enzo Schifo. Alors Enzo, les pénaltys, c'est un peu psychologique, hein. Non, je crois que c'est avant tout dans la tête. Voilà, c'est une espèce d'anthologie non exhaustive des Diables Rouges. Eh bien, Belge et But, petite histoire. De 1903 à maintenant. De Diable, on vous l'offre, vous qui nous écoutez, histoire de rire du foot. Hein. Alors, on vous l'offre, mais il va falloir faire un quiz parce que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec de la musique. Ah, parce que vous savez que peut-être que les Diables Rouges, certains Diables Rouges ont commis des Enzo Schifo. Ils ont commis des disques, notamment Enzo Schifo. Merci pour le premier. Bah, il n'y en a pas beaucoup, donc. Si, il y en a pas mal. J'en ai amené trois. Bon, ben Enzo Schifo, déjà, on va se le faire, mais juste pour le plaisir. Texte de Jacques Duval. Est-ce que, moi qui suis totalement néophyte en foot, vous dites 1903, c'est la création de l'équipe nationale de... Oui, c'est le premier match. Officiel était en 1901. Et c'est le premier match officieux en 1901, officiel en 1903. Et c'est à peu près la même époque dans tous les pays d'Europe ou même du monde qu'il y a comme ça des équipes de mais ne pose pas des questions comme ça, il n'en sait rien. Attends, mais il n'y a pas de Diable Rouge dans la question, je ne comprends pas. Au départ, il suffisait de demander de participer à la Coupe du Monde et personne ne voulait participer à la Coupe du Monde de 1930. Et puis les Belges ont levé la main, bon, okay, on y va. Parce que c'était de l'autre bout du monde, hein. Il fallait aller c'était déjà en Uruguay. Six semaines de bateau. Voilà, et l'attaquant des Diables Rouges a pris 8 kilos sur le bateau, hein, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait grand-chose là-bas. Oui, mais tout ça est dans le bouquin. Mais c'est vrai que pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas les droits télé, tout ça, qui permettaient de gagner beaucoup d'argent. Non, c'était pas en 1930, à mon avis. Il n'y avait pas de championnat encore. Ah bon, je pourrais l'écouter. Et Fred, je ne savais pas que votre frère était... Lui, il a l'air sympa, au moins. Qui disait des trucs mais intéressants. Tiens, Axel, d'après vous, quel est, dans l'histoire de notre équipe nationale, le diable, votre diable préféré, celui qui a le plus le diable au corps, on va dire, allez. Ouh, préférée. Ouais. Ça, c'est une colle. Moi, je vais pas faire dans la nostalgie ou quoi. Je trouve que le type que j'aime le plus voir jouer, moi, c'est De Bruyne. Ouais. Parce que c'est toujours c'est pour le moment. C'est toujours surprenant. Mais comme ça, les auditeurs comprennent. Ouais. Mais si je vous parle des frères Bren, par exemple, dans les années 30, qui étaient comparés aux frères. Vous ne les avez pas vus. Raymond Bren, c'était le Eden Hazard de l'époque. Et Lukaku. Qui n'a juste pas pu jouer pendant des années en équipe nationale pour une simple règle débile. On ne pouvait pas être propriétaire d'un débit de boisson. Or, il était propriétaire d'un débit de boisson. Mais enfin. Donc, il n'a pas pu jouer. Et donc, ce bouquin est truffé d'anecdotes comme celle-là. Ah, j'ai envie que vous m'en racontiez plein, là. Allez, encore d'autres. Un chiffre de 1 à 6 000. Allez, 422. Donc, 42. Ah, je dois mettre mes lunettes. Allez-y, une anecdote. 42, j'en prends une. Ah, c'est tous les prénoms. Ça, c'est super. Tous les surnoms des... Voilà. Alors, dites-nous. Je ne sais pas, moi... Guitaise, le surnom de Guitaise. Guitaise, le crocodile. Hein. Le crocodile. Ah ouais, 14 peaux. Je ne sais pas, moi, Jean-Marie Pfaff. Ça date de 86. C'est El Simpatico. Jean-Marie Pfaff, il se loue, il vient boire des bières chez vous si vous voulez en payant. Hein. Oui, c'est ça. Et pour regarder le match. Moi, je le fais gratuitement. 11 euros, si le prix d'un maillot à l'époque. C'est vrai que Jean-Marie Pfaff, là, maintenant, il a tout fait. Il peut péter les plombs. En plus des chemises avec les logos, vous pouvez effectivement vous offrir Jean-Marie Pfaff pour vous la raconter avec vos amis pendant les matchs de l'Euro. Dites, Axel, est-ce que par hasard, il y avait une autre règle, à part le débit de boisson, qui a empêché certains un joueur de jouer, d'autres trucs absurdes. Vous voulez faire un livre là-dessus prenez non, mais il prépare ses anecdotes pour tout à l'heure. Pas que je connaisse, mais quand même, pas que je sache, mais il faut quand même dire que son frère, le frère de Raymond Bren, son petit frère qui était moins bon, lui, il avait été malin, il avait aussi un négoce qui n'était pas un magasin de boissons, mais un magasin de vêtements sportifs, qui était aussi interdit à l'époque, mais il l'a mis sous le nom de sa femme. Ouais. Et donc il a pu jouer plus longtemps, malheureusement. Il était moins bon. Alors sur le CV, puisque oui, un footballeur a un CV, sur celui de George Lekens. Ouais. Il y a quelque chose d'assez sympathique qui est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Architecte de la probable meilleure équipe belge de tous les temps. Architecte. Je trouve ça génial. Ouais. Et c'est avec ça qu'il a réussi à... C'est sur son CV maintenant. C'est toujours sur son CV maintenant. Ouais, et donnez-moi les mecs qu'on a maintenant. Je suis aussi l'architecte probable de la meilleure équipe. Ouais, c'est ça. On va faire un petit quiz dans la suite et on va s'intéresser au foot justement avec votre frère Fred Dubus qui a signé. Oui, vous allez voir que je m'y connais aussi. Qui n'y connaît rien, lui. C'est dans la famille. Oh, les petites jalousies entre frères. Un petit quiz justement footballistique avec de la musique et on vous offre Belge et but, petite histoire de diable. Ben vous envoyez simplement diable par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse et vous aurez l'occasion de découvrir comme ça des petites anecdotes. Je ne l'ai pas vu centrer mais je sentais qu'elle allait arriver. C'est Christian Benteke qui dit ça après son but sur le centre de Bruyne. Mais après là tu dois lire la suite. Je n'avais pas vu Christian. C'est ça qu'il dit. Oui, oui. Et c'est Kevin De Bruyne après son centre pour Benteke contre l'Écosse. il se trouve les yeux fermés. Ouais, je trouve que c'est génial. Voilà des petites anecdotes autour du foot et des Belges et des Diables Rouges depuis 1903. C'est compilé par Axel Dubus, qui est notre invité. Dans la et suite, Mathieu on continue à parler football avec son frère, Fred Dubus. Merci, oui, merci, oui, merci, merci, merci, oui, c'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Moi, j'aime toujours les légumes à la vapeur. Oh, rien de mieux que cuire ces légumes à la vapeur. Ça en préserve tous les bienfaits. Tu sais, ça, petit? Ah oui, je le sais, monsieur Marc. Surtout que des bienfaits, il y en a plein dans nos bonnes courgettes. Alors, un bon conseil, ne les ratez pas. Elles sont en promo. Oui. D'ailleurs, mettez la vapeur. Allez, hop. Tchou-tchou. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses courgettes sont à seulement 1,59€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Et la priorité de droite, c'est valable aussi pour les drones? Question, hein? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class, en juin. Conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. La première et la 3 présentent Fans de cinéma de tout poil, le rendez-vous de l'année approche. Le Brussels Film Festival ouvre ses portes du 17 au 24 juin à Flagey. Avant-première, projection en plein air, brocante, ciné-concert et des rencontres avec des invités, Guy Bedos et bien d'autres. Tout le programme sur brff.be avec la région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La première, Mobile Info. 16h48, Antoine Binamé, ça va? Que se passe-t-il sur Nord-Odito? On commence avec une bonne nouvelle, une chose s'est dégagée sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Dossous. Vous perdez encore une quinzaine de minutes en direction de Liège, le temps que les fils se résorbent. Un accident qui implique un camion sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur d'Herstal. Bande de droite encombrée en direction d'Aix-la-Chapelle. Au niveau de Bruxelles, toujours des ralentissements assez habituels à cette heure-ci sur le ring. Zaventem-Grand-Bigard, circulation extérieure plus 20 minutes. Circulation intérieure, Zaventem-Carrefour-Léonard. Là, vous perdez une quinzaine de minutes. Et puis ralentissement du tunnel Trône au tunnel Porte de Halle. C'est en direction du Midi. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux sur la première. Ah, il aurait pu être juge de ligne, hein, notre Fred Dubus. Ligne d'ailleurs qu'il va pas manquer de franchir, hein, puisque c'est votre marque de fabrique, bien entendu, de franchir les lignes. Oui, pour nous compter, nous narrer le football. Il est parti en improvisation. Poétique. Oui, alors oui, mon petit Walid. Une fois n'est pas coutume, ben je vais vous parler de football. Absolument. Ah. Oui, sans sarcasme ni condescendance, parce que je m'y connais aussi. Juste avant ça, je voudrais revenir sur un petit truc qui n'a rien à voir, mais qui m'agace. Hein, alors bon, vous savez que ça a été une semaine un petit peu humide pour pas mal d'entre nous, avec des pluies, des orages, des inondations, tout ça. Et pendant toute la semaine, on a vu partout des images horribles de torrents, de boue, dévalant les rues. Des containers. Voilà, des rivières qui traversent les intérieurs de maisons, hein, moches comme un showroom, des meubles mailleux. Si. Ne faites pas le faucheton. Ah, voilà, avouez qu'on s'est tous fait la réflexion en regardant les reportages. Mon Dieu, mais quel horrible canapé. C'est quoi ce vilain buffet en faux Louis XVIII? Ah bah oui, mais parce que proximité oblige, dans ces moments-là, la télé, elle rentre chez les gens. Ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Hein, on filme. Ou elle reste sur la rue, elle peut quand même filmer les meubles. Oui, mais on filme les intérieurs par les fenêtres, vous voyez, hein, des trucs qu'on ne voit jamais, quoi. Et du coup, on découvre toutes ces vies résumées en quelques images glauques. Une grande table rustique avec une toile cirée, un bout de tarte au riz qui flotte, un canapé fatigué, le panier du chien, les photos des petits-enfants cloués sur un papier peint obsolète, le napperon sur la table basse, le tout baignant dans un mètre d'eau boueuse. Toutes des petites vies comme figées par l'inondation, un peu comme un Pompéi sur Ardennes. Et moi, je trouve que ça a quelque chose de, je sais pas, de terriblement émouvant. Voilà. En même temps, tu peux pas t'empêcher de te dire que l'art de la déco d'intérieur a encore de beaux jours devant lui. Et puis, tu vois tous ces vilains meubles boueux balancés dans un conteneur. Et tu es presque soulagé parce que ces inondations et ces meubles détruits, c'est finalement une bénédiction pour le bon goût et l'IKEA de Mons. Le design wallon. Voilà. Bon, allez. Le foot. Revenons-en au football. Non, parce qu'en fait, le pire dans ces inondations, c'est pas les images filmées par les journalistes. Le pire, en fait, ce sont les images filmées par les gens eux-mêmes. Ouais. Hein, avec leur smartphone. On a tous vu, hein, cette horrible coulée de boue qui retourne les voitures, les immenses grelons qui défoncent la véranda Willems. Mais alors, bon sang, juste un truc. Bon sang, de nom, est-ce que tu peux pas filmer en putain de panoramique avec ton téléphone à l'horizontale? Punaise, tous ces trucs filmés à la verticale, les gens n'ont toujours pas compris qu'il suffit de tourner leur téléphone d'un quart de tour pour profiter d'encore plus de désastres. Une rivière qui coule, un frigo qui flotte, une mamie morte qui dérive. Si je m'abuse, ça va de gauche à droite ou de droite à gauche, mais pas de haut en bas. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer la quantité de malheurs supplémentaires qu'on peut caser dans une image horizontale? Au moins le double, c'est mathématique. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à filmer vertical. On a inventé des smartphones, mais pas encore les smart gens. Bon, alors, le foot. Alors, l'euro commence ce soir. Non, mais alors, je sais pas, si vous imaginez un peu un réalisateur fou qui déciderait ce soir de filmer des matchs de foot vertical. Ou le débarquement de Normandie, il fait filmer verticalement. Même par Spielberg, ça ne marcherait pas. Alors, pitié, chers auditeurs, la prochaine fois que vous filmez un malheur, merci de penser aux téléspectateurs. C'est juste l'affaire d'un petit quart de tour qu'on en profite bien, quoi. Voilà, bon. J'ai fait quoi? Vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais, bon, allez, écoutez, pour le foot, vous n'avez qu'à acheter le bouquin de mon frère. Allez. Lundi. C'est encore la meilleure solution. Ah, Fred Dubus, chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Axel Dubus, votre frère, aux côtés de Mathieu Vélu, signe Belge et But, petites histoires de diable. Et c'est un petit quiz que vous allez nous proposer sans plus attendre. Un quiz musical, donc, avec des footballeurs belges ou autre. Alors, ils ont commis quelques 45 tours. Alors, ils sont issus de, je tiens à signaler, ils sont issus de ma collection personnelle. Oui, c'est le Marc Danval de la chanson ringarde. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est parti, voilà, on écoute le premier, s'il te plaît. Enzo Schifo. Enzo Schifo, gagné d'avance. Gagné d'avance. Mais enfin, avec le craquement d'origine. Marc Danval. Ouais, on dirait du Jerry Rafferty. En 1948. C'est Toto Cotugno à la musique. Oui, c'était Toto Cotugno, c'est vrai. Il faut écouter la voix, Oui, j'attends la voix. Le flow. Même sous la pluie, je me promène. Ça peut tomber, je le sens à peine. Ah ben, attention. Je me réchauffe avec cette rengaine. Cette rengaine. Un mot en haine encore. Ce que je redonne à perdre haleine. Attention, notre rime en haine. Je suis peut-être pas né l'aine à pleine, mais j'ai le sourire et la dégaine, et sans doute une bonne fée pour ma reine. Je crois que ça peut être un autre jeu, c'est quoi? C'est deviner la rime. Deviner la rime et c'est gagner d'avance. Là, on peut en faire un jeu, ça, c'est génial. Ça, c'est une Josie Faux, deuxième extrait. Je me demande comment est son intérieur, moi. Oh, ah bah, c'est les meubles maillots. Pizzeria au pied du... Ah. Alors ça c'est Fanny de Monaco. Ah ouais non ça. Oh le vilain pipo. Michel Pfaff. Jean-Marie Pfaff. Non. C'est plus moderne. Francophone. C'est plus récent. À peu près la même. Attendez qu'on écoute. C'est les deux. Est-ce qu'il est encore en vie? Joker. C'est la phase B. Il chante pas là en fait. Karaoké. Il chante pas. Après des siècles. De Grace. Des siècles. Oh c'est du prêche que ça. Georges Grune. Alors tous ces gens sont vivants. Écoutons. Non, mais... Sortant du tombeau. Il fait un peu comme Jean Cabin. A reconquis par son courage. Oh. Guitey, Stop la main. Ah oui, à mort. Son Guitey. Nom, ses droits et son drapeau. On dirait le pape. Ah, il a fait en flamand, puis en français. Il s'agit de Ludo Cook. Oh mon Dieu. Eh oui, Ludo Cook. Il n'était pas de mais quel nom? Pardon? Bravo. C'est Ludo Cook qui petite particularité, tirait très très très très très fort du gauche. Il chaussait du 42 du gauche et du 44. Avant de tirer du gauche. Voilà. Il avait pas d'orteil. Voilà, le pied lourd était le gauche et le pied droit l'a envoyé dans un mur. Un petit dernier, ça sent le disco. Ouais, ça c'est merveilleux. Bon, ça c'est Jean-Marie Pfaff. Non, c'est avant. Je ne dis rien. Avant. C'est un flamand. C'est un flamouche. Parce que c'est la musique, vous entendez ça. Denk je pense tout souvent. Oh, c'est chouette ça. C'est déjà pas qui se l'écoute tous les soirs. Encore vivant? Non, oui, il est encore vivant, mais tu l'as dit. Je l'ai dit? C'est Jean-Marie Pfaff. Ouais, mais il fallait laisser. Ah ouais, il fallait laisser un peu le super. Ah, c'est Jean-Marie Pfaff, il en a fait plusieurs. Et quand il vient chez les gens, il chante, il peut chanter. Aussi, mais c'est plus cher. Il chante en allemand aussi, il en a fait un en allemand quand il jouait au Bayern. Ah bah écoutez, ça nous donne. Je cherche avis aux auditeurs. Tiens, petite anecdote. Rapide, une petite anecdote. Concernant justement ce bouquin Belge et Butte, petite histoire de diable, une anecdote qui tient en 20 secondes, qu'on peut partager rapidement. Alors, on nous a interdit de mettre le mot diable rouge ou diable sur diable rouge sur les couvertures et sur le et sur la tranche aussi. Parce que c'est bon, mais... Alors, on a dû faire quelque chose d'un petit peu imaginatif. Donc, nous avons appelé le livre Belge et Butte. Excellent. Bravo. Restez avec nous, Axel Dubus. On continue à parler foot et pas que. On continue à être presque sérieux. On s'informe à 17h des histoires de Vincent Flibustier. Et on s'intéressera également à la FEB. Tout ce que la FEB ne veut pas, bien vous le saurez dans la suite de C'est presque sérieux. C'est en écoutant la première. Excellente fin de semaine à vous. Très bon vendredi. Oui, c'est l'Euro 2016 qui débute et on vous en parle sur la première. À tout de suite. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Coucou, je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre, tic-tac. Moi, j'étais dans un appareil photo, clic-clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. L'administration salariale de mon entreprise, ce n'est pas mon problème. Les formations, l'absentéisme, désolé, je n'ai pas le temps. Moi, mon souci, c'est de trouver de nouveaux clients, dénicher des opportunités commerciales ou... Vas-y, Thomas, dis ! Suivre mon fils, et pour le reste, Je fais confiance à Securex. Securex, c'est plus de 1500 experts en gestion du personnel, du recrutement à l'administration, du bien-être à la sécurité. Securex. Chacun son métier. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Porte ouverte ce week-end, dimanche compris, dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Hé, hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors! Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. La météo. Bonne fin de journée, très bonne soirée à tous. Un ciel de plus en plus voilé qui va même franchement se charger dans le courant de la nuit prochaine, signe de l'arrivée d'une perturbation. On attend des minima plus élevés que la nuit dernière, entre 11 et 14 degrés, et ce grâce à la couverture nuageuse. Quelques gouttes déjà possibles en fin de nuit près de la frontière française. Ces précipitations pouvant s'apparenter à des averses concerneront le sud du Sihan-Sambre-et-Meuse demain matin, avant de s'étendre également aux autres régions l'après-midi. Un coup de tonnerre sera possible, maximum en baisse demain puisqu'on attend 17 à 21 degrés, encore un degré de moins pour dimanche, 16 à 20. Toujours des pluies ou averses en toute région, des éclaircies également qui pourront se développer entre ces périodes de précipitations. Ensuite, c'est une semaine perturbée qui nous attend, pluvieuse, assez venteuse et encore un peu plus fraîche. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Impossible de passer à côté, l'Euro de football commence ce soir. Premier match France-Roumanie au Stade de France à Paris. Les portes ont ouvert avec un peu de retard. Mohamed Ali sera inhumé à Louisville aux États-Unis après une longue procession en son honneur dans les rues de sa ville natale. Sur 30 km, des anonymes se rassemblent en hommage aux boxeurs de légende. Quelle est la situation sur les routes à 7h06, Antoine Binamé? Eh bien, une situation habituelle en ce vendredi. Circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard et intérieure, Zaventem Carrefour Léonard. Dans les deux cas, comptez une vingtaine de minutes supplémentaires. C'est parti, jusqu'au 10 juillet, les amateurs se réjouissent, les autres vont subir. L'Euro de football commence ce soir, 51 matchs qui se joueront en France dans 10 stades différents, 24 équipes engagées. Première rencontre ce soir au Stade de France entre la France et la Roumanie. Dans la fan zone, Sébastien Joris a rencontré des supporters français avant le match évidemment. On est vraiment là pour vivre, se mettre dans l'ambiance du match. Il y a tout qui est à dispo pour faire en sorte qu'on vive l'Euro du mieux que possible. Quoi. Que pensez-vous de l'ambiance à Paris ces derniers jours? C'est festif par rapport à l'Euro, après un peu compliqué par rapport aux grèves et compagnie, c'est un peu compliqué. Comment vous sentez l'ambiance dans Paris là, à quelques heures du coup d'envoi? Les gens essaient d'y croire. Je pense qu'il faut un premier match d'équipe de France pour vraiment y avoir un engouement. Voilà, et je pense que ça sera pareil pour toutes les nations. Vous ne l'avez pas senti jusqu'ici cet engouement, ces dernières heures, ces derniers jours? On vient de suivre des crues, on vient de suivre une certaine période assez... Voilà, donc les gens, il faut leur laisser aussi le temps de souffler, je pense. Mais je pense qu'au premier match, il y aura un élan. Les mesures de sécurité qui sont maximales pour cet Euro de football. Et à ce titre, deux exercices d'évacuation ont eu lieu cet après-midi au Stade de France. C'était donc bien un exercice et pas une alerte réelle. Et puis une confirmation, Nicolas Lombard s'est quitté la sélection belge cet après-midi. Il était le joker médical de Marc Wilmot qui dispose donc désormais d'un groupe fermé de 23 joueurs. Après 47 jours de grève dans les prisons francophones, le travail va reprendre dans quelques prisons à Lausanne-Hainaut dès demain matin, à Dinan et à Huy, mais pas avant mercredi, ainsi qu'à Pèves. À Saint-Gilles, c'est déjà le retour à la normale. Par contre, à Namur, Andenne, Lantin, Tournai, Forêt, Arlon et Ittre, la grève continue, ainsi qu'à Mons. Le Front commun syndical CSC-CGSP ne veut pas baisser les bras après plus de 45 jours de grève. Écoutez Michel Stradi, délégué CGSP. La décision a été unanime, on continue la grève parce qu'ils ne sont pas contents de ce protocole fantôme. Il y a des points de friction ? Les points de friction restent toujours les mêmes. La rationalisation, on n'en veut pas. Et si on continue dans ce sens-là, les agents risquent une chose, c'est de risquer leur vie chaque jour dans cet établissement. Et ça, ils ne le veulent pas. Qu'est-ce que vous attendez de plus, en fait ? Un geste, qu'on arrête cette rationalisation qui ne sert à rien et qui ne rime à rien. Une interview de Vinciane Vautron. Il n'y aura pas de grève sur le rail ce dimanche. La CGSP cheminot a décidé de laisser une chance à la négociation avec la direction de la SNCB. La question des jours de récupération qui avait entraîné le conflit semblait réglée, mais la direction y a ajouté un nouveau texte sur l'augmentation de la productivité. Cela a crispé les syndicats. La prochaine réunion de comité de coordination a été fixée à lundi après-midi. Une nouvelle arrestation dans le cadre des attentats de Bruxelles. C'est la 7e personne placée sous mandat d'arrêt depuis les attaques terroristes à Malbec et à Zaventem le 22 mars dernier. Fabrice Gérard, que pouvez-vous nous dire sur l'arrestation de ce nouveau suspect ? Il s'agit d'un homme de 31 ans, de nationalité belge, présenté comme un certain Ali EHA par le parquet fédéral, ces trois lettres correspondant probablement aux initiales de son nom de famille. Alors le suspect a été interpellé hier lors d'une perquisition. Perquisition menée dans le bas de la commune de Schaarbeek à Bruxelles, dans le quartier de la Cage aux Ours plus précisément. Selon nos informations, et c'est important, l'homme ne figure sur aucune liste de personnes fichées comme radicalisées. Après avoir été présenté à un juge d'instruction, il a été placé sous mandat d'arrêt. Les chefs d'inculpation sont les suivants. Participation aux activités d'un groupe terroriste, assassinat et tentative d'assassinat terroriste, sans qu'à ce stade, les autorités judiciaires ne précisent si c'est en tant qu'auteur, co-auteur ou comme complice. Alors l'enquête va maintenant devoir déterminer quel rôle exact ce suspect aurait pu jouer dans les attentats de Bruxelles. C'est en tout cas la 7e personne interceptée par la justice belge depuis le 22 mars dernier. Tihange 2 est à l'arrêt. L'information est confirmée par la porte-parole d'Engie. Le réacteur nucléaire numéro 2 s'est mis à l'arrêt automatiquement cet après-midi. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité. Lorsque la centrale détecte une anomalie, les équipes techniques sont actuellement sur place pour détecter la nature de cette panne. La procession en l'honneur de Mohamed Ali est en cours à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Longue de 30 kilomètres, elle rassemble sur les bords des routes des milliers d'anonymes venus d'aussi loin que l'Afrique ou l'Asie. Inscription t-shirt pétale, chacun, Françoise Nice, rend hommage à sa façon au boxeur américain. Le convoi funéraire traverse lentement sa ville natale. Il doit passer devant sa maison d'enfance et le musée qui lui est consacré. Plus de 15 000 billets gratuits se sont arrachés pour l'hommage funèbre qui est prévu ensuite dans une salle omnisport, une cérémonie où parmi d'autres l'ancien président Bill Clinton va rendre hommage au magnifique boxeur, au combattant des droits civiques, à ce pacifiste qui avait refusé de s'enrôler pour aller servir au Vietnam. Hier déjà, Cassius Clay, devenu Mohamed Ali par sa conversion à l'islam en 1964, a reçu un hommage religieux. Le président turc Recep Erdogan y participait, mais aujourd'hui il boude la cérémonie. Il est vexé de ne pas avoir reçu l'autorisation de déposer sur son cercueil un bout d'étoffe noire ornée de versets coraniques, un bout de tissu qui évoque la grande construction cubique au centre de la Mecque. Au-delà de cet incident, ce sont des centaines de milliers d'admirateurs de ce sportif hors normes qui se recueillent aujourd'hui à Louisville ou ailleurs dans le monde derrière leur écran. Porté par 8 personnes, dont les anciens boxeurs Mike Tyson et Lennox Lewis, la dépouille de Mohamed Ali sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité en présence de ses enfants. Françoise Nice, merci. Il est 17h07. Très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et l'après-midi se poursuit évidemment avec Walid et ses chroniqueurs. C'est presque sérieux, c'est toujours presque sérieux. Effectivement, jusqu'à 17h30 pour terminer la semaine en beauté. On parle foot, bien entendu, avec notre invité du jour, Axel Dubus. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Nous aborderons l'actualité, toute l'actualité. On parlera de la FEB avec Manu Di Pietro qui vous accompagne jusqu'à 17h30 sur la première. Ça va Manu ? Ça va et vous ? Écoutez, ravi d'être avec vous. Raoul Reyer, c'est dans la place ici. Yes, man. Yes, man. Il y a Vincent Flibussier qui nous racontera des histoires dans un instant. Ça va, oui, Vincent ? Oui, super. Il y a le frère de Axel, Fred. Et le micro, alors, c'est ça, on me coupe déjà la parole. Voilà. Axel Fred. Le mien, on l'a pas ouvert. Et il y a Marie-Paul Cumes. Bonjour, Marie-Paul. Oui, rebonjour. Ça va bien depuis tout à l'heure? Oui, très bien. Et Axel Dubus qui signe Belzébuth, Petites histoires de diable. Et bien justement, on en parle, c'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première. Truffé d'anecdotes sur les diables rouges, on parle de tatouages notamment. Le plus tatoué des diables semble être Raja Nengolan, c'est ce qu'on découvre dans le livre. Alors, qui va jusqu'à ignorer combien de tatouages il possède. C'est plus un joueur, vous dites ici dans le bouquin, c'est la chapelle Sixtine. Je trouve que c'est beau. Ouais. Qui se trouve à Rome. Il jouait jusque là cet été. Ouais, mais on n'est pas plus lourd avec des tatouages. Vachement. Pénètre mieux dans l'air. Attendez, peut-être. Alors ça, c'est le genre de commentaire qu'on fait tous devant la télé à un moment donné. Ouais, moi, je vais avoir ma femme qui va me faire les mêmes commentaires. Mais attendez, il y a l'encre dans la peau. Peut-être quand même qu'on est un peu plus lourd. Non mais on a un meilleur CX. C'est pas faux. C'est pas faux. Un bon gras. De l'autre côté, il est très rasé de cheveux, donc il. Oui, il a une crête. Il perd en cheveux ce qu'il gagne en encre. Alors, dites-nous un petit peu, il y a des anecdotes autour du football. Allez, une petite anecdote comme ça qu'on peut partager ce soir ou lundi lors du match des Diables. Pour faire de son stouf. Voilà. Alors, les Belges ont quand même été qualifiés à la Coupe du Monde de 1930. Ouais. Première équipe européenne à être qualifiée, puisqu'ils ont, comme on ils ont demandé tout à l'heure, ils ont levé le bras, on y va. Ouais. Ils ont été suivis par les Italiens et par les Français qui disent, bon, s'ils y vont, ça va être chouette. Mmh. Et donc, la troisième Coupe du Monde a lieu en 1938 en France. Et je vais vous lire le programme des Belges. Je ne le connais pas par cœur, mais c'est pas mal. Donc, ils arrivent en France, à Paris. Arrivés le samedi après-midi à Paris, spectateurs du match Allemagne-Suisse qui a lieu le soir, dîner en ville, promenade digestive le dimanche matin, défaite contre la France 3-1 l'après-midi, mais ça on s'en fout, retour en train le dimanche soir. Voilà, c'était terminé pour la Coupe du Monde des Belges en 38. Un week-end Rotary. Voilà, ça se déroulait pas vraiment comme c'est ça. C'est cool. Ouais, et bien. Donc, c'était l'Allemagne nazie qui a participé à la Coupe du Monde juste avant l'entrée en guerre. En fait. Oui, mais heureusement, ils n'ont pas gagné. D'autres anecdotes que vous allez pouvoir découvrir dans Belzébuth, Petites histoires de diable, d'autres anecdotes que va nous conter dans un instant Axel Dubus. Le temps pour nous d'écouter les histoires de Vincent Flibustier. Ce sera juste après le Presque un jour dans l'histoire. C'est parti. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème ici. Question d'histoire que nous propose tous les jours notre cher Laurent Dehaussé, qu'on embrasse au passage. Laurent Dehaussé, que vous retrouverez lundi entre 13h30 et 14h30 sur la première. Voici la question qu'il vous pose. M'étirant entre deux prestigieuses institutions anglaises, j'ai rejoint l'une en quittant l'autre. Qui suis-je ? Alors, de quoi s'agit-il ? La SABAM ? Non, ce n'est pas la SABAM. M'étirant, c'est ça ? M'étirant. M'étirant. Ah, m'étirant. Ouais. De quoi s'agit-il ? Alors, je vais vous donner un indice. C'est le prince Charles qui est passé d'une femme à l'autre. On parle de sport. Fédération de rugby. Pas fédération de rugby. De football. Non plus. Tennis. De tennis, tir. Non plus. Badminton. Tir non plus, non. Qu'est-ce qui reste ? Alors, darts. C'est une du cheval. Une compétition en Angleterre. Est-ce que c'est une compétition qui existe encore aujourd'hui ? Première ligue. Qui existe encore aujourd'hui. Du hockey. Non. C'est populaire en Belgique ? Les bowls. C'est populaire. Wimbledon. Je dirais pas que c'est populaire. Du billard. Le billard. Alors, c'était pas une compétition très en vogue. Le chien. Du basket, du volley. Mais. Le croquet. Darts. Mais ce sont, et là je vous donne l'indice, université. Oxford, Cambridge. Oui, c'est ça. C'est l'aviron. Le premier Oxford, Cambridge. Première course d'aviron en 1829, un 10 juin. Et c'est pour ça qu'on en parle. On parle de sport, on parle d'aviron. L'aviron. C'est moins populaire. C'est moins populaire. Ah ouais, on verrait pas des rameurs sur les. Le lac et le Molenbeek. Le canal. Mais je veux dire, sur les canettes de bière, on les verrait pas, quoi. Peut-être. On ferait pas inondation, ça pourrait se faire. ça va prendre. C'est d'actualité. Relançons le sport. Relançons l'aviron. En attendant. C'est beau. Depuis 16h, j'ai l'impression que je rame. Je sais pas pourquoi. C'est parti pour les histoires de Vincent Flibustier. Allez, on l'écoute. Bonjour, messieurs Vincent. Deux histoires, l'une d'entre elles est vraie. On vous écoute, mon cher Vincent. Et oui, voici l'histoire de Yang Kyung-yang, le soldat le moins chanceux de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, évidemment, à part les millions qui sont morts ou ont été blessés. Nous sommes en 1938. Le jeune coréen Yang Kyung-yang est en relais de force dans l'armée impériale japonaise pour combattre l'Union soviétique. Durant une bataille, c'est le drame. Il survit, mais il est capturé par les Russes et en relais de force dans l'armée russe qu'il combattait avant. Changement de camp. Un an plus tard, en 1943, c'est encore le drame. Alors que Yang combattait les nazis aux côtés de l'armée rouge en Ukraine, il est capturé par les Allemands. Et Yang est alors incorporé dans la Wehrmacht et envoyé en Normandie. Il rechange de camp encore. Un an plus tard, 1944, mois de juin, débarquement, les Américains capturent le soldat Yang qui porte l'uniforme allemand. Yang Kyung-yang est donc le seul soldat de la Deuxième Guerre à avoir changé de camp trois fois. Alors, cette histoire est-elle vraie ou pas? Eh bien, on va écouter la seconde pour se faire une idée. Janvier 1944, le débarquement de Normandie se prépare, mais aux États-Unis, la grogne fait rage puisqu'on connaît depuis des semaines une pénurie de bière à cause des récoltes catastrophiques de houblon. Et le commandement de l'armée américaine utilise cet argument marketing pour pousser les Américains à entrer dans l'armée puisqu'on sait qu'en France, et particulièrement en Belgique également, on trouve de la bière. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, on peut trouver de vieilles affiches américaines « Kill Nazi, get a Belgian beer ». Et vous trouvez ces affiches. Et que faisait Chang Ching-Chang à ce moment-là? Il buvait des bières aussi. Ben, il était justement en Normandie, il attendait. Il buvait des bières. Alors, deux histoires. Yang Yung-Yang, ce soldat qui change de camp à trois reprises, ou cette histoire de pénurie de bière. Fred Dubus, première ou seconde histoire? Des nazis qui enrôlent de force des Chinois. C'est bizarre. De la deux. La seconde, Manu Di Pietro. La plus courte et la meilleure en général. Ouais, la deuxième, on va demander à Marie-Paul Kums. Première ou seconde? Moi, j'ai envie de dire la première, j'aime bien. Raoul Reyers. Elle est folle. Hein. Première ou seconde histoire? La première. Moi, je fais toujours comme Marie-Paul. Axel Dubus. La première aussi. Si c'est pas vrai, c'est bien inventé. Eh bien, c'est parti. Roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie de ce 10 juin Ying Yang Yung ou cette pénurie de bière, Vincent. Eh bien, c'est bien l'histoire de Yang Yung Yang qui a donc combattu pour l'Axe chez les Japonais, puis chez les Russes pour les Alliés, puis pour l'Axe chez les Allemands, puis été capturé par les Américains qui, du coup, l'ont pris pour un Japonais vu qu'il était bridé. Ouais. Mais non, c'était donc un Coréen qui a combattu pour les Japonais, les Russes et puis les Allemands. Et finalement, donc, il a été emprisonné aux États-Unis et il y est resté. Il y a vécu jusqu'en 1992. Ah bah voilà, c'est une histoire. Il est totalement attrapé, utilisé par plein d'armées comme ça. Et il devait être très bon alors. Mais en plus, il a fait pas mal de batailles et vu que en plus il était utilisé comme prisonnier de guerre à chaque fois dans les camps, il était probablement en première ligne. Donc il a vraiment eu beaucoup de mal. Mais pourquoi il est en prison après jusqu'en 1992? Parce qu'il n'a pas été en prison. Il a été arrêté par les Américains en Normandie, ils l'ont pris pour un Japonais, et puis il a raconté toute son histoire qui tenait évidemment pas debout. Ils ont réussi à remonter au fait que si, il a été trimballé dans tout le monde. Ah bon, dans et après l'Europe. Il a été libre quand même. Et après il a vécu le reste de sa vie aux États-Unis. Ce type a quand même voyagé pour rien. c'est ce qu'on retiendra. Petite anecdote concernant le football avec Axel Dubus, c'est notre invité du jour. Aux côtés de Mathieu Vélu, vous signez Belge et But, petites histoires de diable aux éditions Jourdan, ouvrage que nous vous offrons si vous envoyez simplement Diable par SMS au 6031 avec vos coordonnées complètes, pas mal de petites anecdotes croustillantes que vous pouvez partager entre amis, notamment ce lundi face à l'Italie, la Belgique joue, vous aurez l'occasion de briller comme on dit en société, ou presque. Axel, une petite anecdote. Ou de faire rire vos amis. Allez. Est-ce que vous vous souvenez de Wilfried Van Moor? Moi je connais ça. Oui, bien sûr, moi oui, très bien. La jeune génération ne connaît pas. Il a toujours son café le Wembley à... dans le Limbourg. Mm-hmm. Et il pouvait jouer avec un café. À cette époque-là, il pouvait jouer. Par contre, il a réussi à faire un truc incroyable. C'est ce type qui s'est fait quand même fracturer 4 fois les jambes dans sa carrière. Un peu comme Lou. Dont la première en 1972 au Parc Astrid, lors d'un Belgique-Italie. Ouais. Et vers la 40e minute, il se fait... Donc, c'est une attaque en règle de Bertini, le défenseur italien. T'es connu pour ça. Et donc, il se relève tant bien que mal. Il arrive à finir la mi-temps. Et à la mi-temps, il dit comme ça va pas, je vais aller à l'hôpital. Et donc, il est allé à l'hôpital, à Brakops, à pied. À pied, à 500 mètres du stade. C'était au parc Astrid, à Anderlecht.

L'info, toute l'info, l'actu, rien que l'actu. D'ici moins de 8 minutes maintenant, vous avez rendez-vous avec Soir Première. D'ici là, parlons de la FEB. La Fédération des entreprises belges exige des coupes supplémentaires dans les dépenses publiques. Oh, vous me direz, ils n'ont qu'à jouer au foot. Mais personne ne lui dit au gouvernement de s'occuper de ses affaires. Et pour cause, il y a un terrible secret aux 16 rues de la loi que vous allez nous révéler, ou presque, mon cher Manu Di Pietro. Mais oui, chers toutes et tous. Tiens. Je remarque que je n'ai pas souvent l'occasion de dire toutes dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe avec les filles à l'RTBF, mon cher Walid ? Elles nous snobent ou bien quoi, ces péronnelles ? Ou bien peut-être qu'il n'y en a presque plus ici. J'ai l'impression qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Parce que bon, c'est rigolo de jouer à touche-pipi pendant 90 minutes avec vous les gars, mais il serait temps qu'on arrête de venir en training pot de pêche en studio, on se laisse un peu trop aller. Allez, c'est le grand début de l'Euro ce soir, la grand-messe des chaussettes sur les rétroviseurs et sans doute une aubaine pour tous les prostituées de France qui vont boiter 3 semaines, mais auront gagné l'équivalent du PIB du Mali en seulement 1 mois. Bienvenue sur la RTBF, radio-télévision, bière-foot. Hier, la France a dégainé les armes de destruction massive avec un concert géant de David Guetta, et Will.i.am. David Degas, oui, on a une façon pas très sport, si vous voulez mon avis, de donner le cancer des oreilles aux joueurs des équipes adverses. Pendant un mois, on va penser à autre chose. Et ça tombe bien, il y a plein de choses qui se passent pour le moment que certains, eh bien, ils aimeraient bien qu'on sache pas qu'elles se passent. J'en veux pour preuve la sortie de la FEB, la Fédération des entreprises belges, qui a décidé que le secteur public, il pouvait aussi s'en occuper, après tout, fourte. Donc le patron des patrons exige, écoutez bien, que l'État coupe les services publics. Il faut supprimer des trains et des lignes de bus qu'ils disent à la FEB. Il faut quand même imaginer que c'est comme si le patron de la Fédération des bouchers charcutiers, le parrain des enfants de Raoul, donc, c'est comme s'il exigeait qu'il y ait moins de légumes dans les cantines pour enfants. Pour justifier cette sortie, Peter Timmermans explique que dans les autres pays d'Europe, on dépense moins. Toujours cette manie de comparer son zizi avec celui du voisin, sauf qu'ici c'est celui qui a la plus courte qui gagne. Si on lui disait qu'en Irak il y a même plus de trains qui circulent, vous allez voir que ce couillon va nous dire qu'il faudrait en prendre exemple. Faire comme la banque. Et que dit Charles Michel ? Rien. Dans le silence assourdissant de la résidence du Premier ministre, sous les ors de son bureau, il n'y a que les craquements du plancher que l'on entend au loin. Et pour cause, à ce niveau de non-intervention, il n'y a qu'une seule possibilité. Charles Michel est un androïde créé par la FEB et le centre Jean Gaulle. Bon, au niveau du physique, c'est un peu foiré, notamment au niveau de la toison capillaire, mais pour le reste, c'est presque de la sorcellerie. C'est le gouvernant libéral ultime, le rêve humide absolu des néolibéraux. Il ne réagit pas aux stimuli venus de la droite, rien, absolument rien, une merveille de programmation. Et j'y ai eu accès, vous allez voir, c'est incroyable. Écoutez, un stimuli de gauche. Charles Michel, il y a trop de fonctionnaires... Non, pardon, un stimulus de droite, excusez-moi. Charles Michel, il y a trop de fonctionnaires, il faut couper dans les dépenses sociales. Voilà, pas de réponse, rien du tout. Charles Michel, pourquoi fait-on la chasse aux chômeurs et pas à ceux qui ont planqué du fric à Panama ? Je constate que certains commentateurs, des partis d'opposition, ont travesti, ont dit des contre-vérités, n'ont pas expliqué quelle était la réalité. Oui, quand c'est de gauche, il réagit. Charles Michel, achetons des F-35 à 15 milliards, on en a vraiment besoin. Ah, pas de réponse. Charles Michel, les budgets de la police sont exsangues et les militaires dans la rue, ça sert à quoi ? On ressent bien qu'on va devoir, dans les prochains mois et peut-être même dans les prochaines années, élever les initiatives de contrôle d'identité, l'armée dans les rues, le renforcement de l'arsenal législatif. C'est génial, Walid. À mon avis, Elio Di Rupo aimerait le même, mais pour Raoul et Debeau. Merci Manu, Di Pietro. 17h25, dans quelques minutes, Soir Première avec Pierre-Yves Meugens. D'ici là et avant les Philippes, eh bien, petite anecdote encore signée Axel Dubus. Pas une anecdote, mais une double citation de Robert Wasser. La première, elle est magnifique. J'ai tenté d'amener Wilmots à prendre conscience des bienfaits de la diététique. Il m'a répondu, il me faut mon entrecôte de 400 grammes. Ouais. Ce garçon a du talent. C'est des phrases historiques, ça. C'est une phrase tirée d'une interview personnelle de M. Robert Wasser. Alors, il nous en a sorti une autre belle. Vous vous souvenez de Yves Van der Hague? On ne peut pas tout savoir. Bon, ben, on ne peut pas se souvenir de tout. Lui-même, si je vois sa tête encore. Il était Diable Rouge. Et il dit à propos de Yves de Rag, Yves était infatigable, travailleur, à la fidélité indéfectible. J'ai tout compris quand il m'a dit que sa femme s'appelait Peggy. et puis il y a d'autres anecdotes, un peu salaud, mais... notamment un match amical contre la Grèce. Georges Grune, consultant pour la télévision à l'époque, se balade en ville et il croise qui ? Des membres du staff en train d'acheter précipitamment des chaussures et des crampons sous l'air Lekens. Et Lekens niera cette nouvelle preuve d'amateurisme de la fédération à l'époque en traitant Georges Grune d'alcoolique. Ouais, c'est ça. Voilà, on en apprend pas mal, là, des petites histoires belges. J'ai bu de petites histoires de diable aux éditions Jourdan. C'est signé Axel Dubus et nous vous offrons et Mathieu Vellut. Si vous nous envoyez simplement diable par SMS au 6031 avec vos coordonnées complètes, 75 centimes le message. Et Philippe, vos frères de descendent dedans. Ah bah ça nous fera voilà, plaisir. Ça, ce sera un collecteur. C'est parti. Cette conversation est terminée. Philippe de la semaine, une actualité ou une personnalité qui vous a irrité. On va demander à Raoul Reyers. Eh bien, écoutez, c'est une certaine Rose qui a... Donc, je vous lis le titre de l'article. Bon, allez-y. Ça va vous faire plaisir. Elle décide d'assumer sa barbe et se sent plus sexy que jamais. Et donc, je me sens jolie avec ma barbe et ce n'était jamais arrivé avant. C'est formidable d'être enfin moi. Ah bah... Bah oui, mais pourquoi pas. Quand je suis ta verte, quoi. Oui, sauf qu'ici, elle est vraie. Là. Marie-Paul Kums, une actualité. Hein, Philippe, quelqu'un qui vous a irrité cette semaine ? Vous me prenez à un brûle pour point. Mais je l'aime bien, celle-là. Bah, écoutez, non, personne, mon fils. mon fils qui ne me prévient pas quand il a ses examens, donc j'ai envie d'aller le voir. Voilà. Mon fils qui ne range pas sa chambre. On l'embrasse, votre fils. Très, très, très personnel. Manu Di Pietro, rapidement. Juste l'euro, là, donc un Philippe pour le mois à venir. L'euro ? Un Philippe Albert. Un Philippe Albert. Non, Philippe Albert. Oui, le joueur de foot. Ouais. Qui, le joueur qui a mal à la couesse, c'est tout ça. Je vais avoir du mal pendant 3 semaines. Vincent Flibus. Je découvre que c'est l'Argentine qui aurait dû organiser la Coupe du Monde de 1942 à cause des Allemands. Elle n'a pas pu, mais elle a quand même accueilli des Allemands bien plus tard. Elle s'est bien rattrapée. Je ris tout seul dans ma barbe depuis 20 minutes parce que j'ai découvert une petite photo sur Facebook où on lit Moineau, celle sur la sonnette, et en dessous, merci d'arrêter de mettre des graines dans notre boîte aux lettres. Petite histoire de diable, c'est signé Axel Dubus. Merci à vous d'avoir été notre invité presque sérieux. Nous serons de retour lundi entre 16h et 17h30 et ce week-end pour le best-of de C'est Presque Sérieux. Bon foot, bon match et c'est Pierre-Yves Meugens qui vous accompagne dans la suite pour Soir Première. Excellente fin de journée à l'écoute de la première. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ah, si vous aimez la musique occitane, nous avons de quoi vous faire plaisir. C'est le tout nouveau disque 5 de Dubartas en écoute ce soir dans Le monde est un village. Plus le nouveau disque de Kimi Diabaté, le musicien originaire de Guinée-Bissau, nous revient effectivement avec le disque Kanamalu. C'est à écouter ce soir en avant-première dans Le monde est un village. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. C'est moi, Hip, le diable rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur votre